Chapitre 5. L'île Giptian, le plus autoritaire des empereurs de Gwendalavir, n'a jamais envisagé d'interdire une vie de famille aux sentinelles. Non par bonté d'âme, mais par souci d'efficacité. En leur laissant goûter le bonheur, il savait qu'elle serait intraitable sur sa défense. Maître Carboast, mémoire du 7e cercle. Tu en as trop dit pour t'arrêter à présent. Mathieu avait parlé doucement. Sa voix était tendue. Madame Boulanger eut un sourire triste. Je vais vous raconter ce que je sais, mais avant je veux me préparer un bon café. Que diriez-vous de nous installer en bas dans les fauteuils du salon? J'ai passé l'âge de m'asseoir par terre. Sa dernière phrase avait été une pâle tentative pour détendre l'atmosphère, mais elle eut peu d'effet. Camille et Mathieu étaient trop abasourdis pour réagir. Un peu plus tard, Madame Boulanger posa 3 tasses fumantes sur la table basse. Elle porta lentement son café à ses lèvres et, après en avoir bu une gorgée, prit la parole d'une voix lente, presque détachée. Il faut remonter 10 ans en arrière. Bernard, mon mari, et moi savions déjà que nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Nous songions à en adopter un, mais nous n'avions pas encore engagé de démarche dans ce sens. Nous menions une vie trépidante. Bernard, à l'époque grand reporter, était toujours par Mons et par Vaux. Je le suivais dans la plupart de ses voyages et nous avions conscience qu'un bébé n'avait pas sa place dans la famille que nous formions. Nous rentrions d'un long reportage au Brésil lorsqu'Hervé nous a appelés. Il était photographe comme Bernard et c'était un véritable ami. Un homme formidable, ouvert, à la culture impressionnante, qui devait malheureusement se tuer 3 ans plus tard dans un accident de voiture. Il nous invitait chez lui pour fêter notre retour. Il tenait à nous présenter un couple dont il avait fait la connaissance pendant notre absence. C'est ainsi que nous avons croisé le chemin d'Altan et d'Elicia. Camille sursauta. Elle s'attendait certes à une révélation, mais pas à entendre le prénom de ses parents dans la bouche de Madame Boulanger. Cette dernière poursuivit. Bien sûr, à l'époque, ils portaient des noms d'emprunt, Alain et Élise. Dès que nous les avons vus, Bernard et moi avons été séduits. C'étaient les êtres les plus captivants que nous avions jamais eu l'occasion de rencontrer. Leur connaissance était immense et totalement ouverte. Leur goût varié. Ils étaient attentifs aux autres. Les côtoyer était un pur plaisir. Ils avaient en outre un côté mystérieux qui les rendait terriblement attirants. Ils se disaient écrivains, mais refusaient de parler de leurs œuvres et certaines choses pourtant évidentes les laissaient parfois aussi étonnés que des nouveau-nés. Ils possédaient ainsi un savoir sur la musique ou la littérature à faire mourir de jalousie les plus grands spécialistes. Puis nous bombardaient de questions naïves sur le fonctionnement de nos institutions politiques. Très vite, nous sommes devenus amis. Nous nous voyions pourtant par intermittence. Le travail de Bernard nous entraînait au loin, pendant des semaines. Eux disparaissaient souvent plus longtemps encore, sans que nous sachions où. C'est lors d'une soirée chez Hervé qu'Alain et Élise nous ont révélé la vérité. Madame Boulanger finit son café et reposa sa tasse, les yeux perdus dans ses souvenirs. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Le repas achevé, nous nous étions installés au salon. Nous évoquions nos voyages. Bernard parlait de la Nouvelle-Guinée et de l'impression d'étrangeté qu'il avait gardée de sa découverte. « Je connais un endroit qui te paraîtrait bien plus étrange », affirma alors Alain. C'est ainsi que nous avons appris l'existence de Gwendalavir. Au risque de sembler ridicule, je dois avouer que nous n'avons pas été très étonnés. Des questions à formuler ont trouvé leurs réponses. La réalité s'est éclairée sous un jour différent et nous l'avons acceptée. Nos deux amis étaient inquiets. La situation Gwendalavir se dégradait. Ils n'osaient pas nous faire courir le risque d'une visite de leur monde. Ce fut donc par leur récit que nous avons découvert un endroit qui n'apparaissait sur aucune carte. Ce secret partagé a renforcé notre amitié. Peu à peu, cependant, nous nous sommes vus moins souvent. Altan et Elicia ne venaient plus que rarement, et lorsque nous avions la chance de nous retrouver, leur tension assombrissait la joie de nos rencontres. Un jour, il y a 8 ans, ils ont disparu. Presque malgré elle, Camille se pencha, buvant les paroles de Madame Boulanger. Allait-elle enfin apprendre ce qui s'était passé? Pendant 6 mois, nous sommes restés sans nouvelles. Nous étions convaincus de ne jamais les revoir. Lorsqu'un soir, Elicia est arrivée. seule. Elle était terriblement pressée, mais, nous confia-t-elle, elle avait un immense service à nous demander. Les choses tournaient mal en Gwendalavir, et elle souhaitait, si le pire survenait, que nous nous occupions de leurs enfants. Nous avions entendu parler de vous à de nombreuses reprises, mais nous n'avions jamais eu la joie de vous voir. Nous avons bien sûr accepté. Elysia nous a averti qu'elle effacerait vos souvenirs pour que vous ne soyez pas malheureux, mais aussi pour votre sécurité. Vous ne deviez jamais connaître votre lien de parenté, ni vous rencontrer. Hervé s'occuperait de toi et Willan, tandis que Bernard et moi aurions la responsabilité de t'élever, Mathieu. Nous avons été d'accord, même si cela signifiait que nous perdrions contact. Elysia nous a remerciés avec gravité, et elle est partie. Nous ne l'avons jamais revue. Quelques mois plus tard, Hervé s'est tué en voiture. Ce fut un moment très difficile car nous étions profondément attachés à lui. La convocation du juge est arrivée 3 jours après son enterrement. Altan et Elysia avaient tout réglé. Nous n'avons eu qu'une signature à placer au bas d'une page pour nous retrouver avec un grand garçon de 11 ans, sans aucun souvenir de son passé. Madame Boulanger se tut et contempla Mathieu avant de reprendre. Tu es devenu notre fils, mais j'ai toujours su qu'un jour tu nous quitterais. Camille s'était imprégnée de chacune des paroles qui avaient été prononcées. Un instant, elle s'obligea à se taire, puis elle ne put se contenir davantage. « Et moi ?»